bienvenue à Mélomanes, l'émission pour vous, les fous de la musique, sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ, ou encore en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 4 mai 2016 de Mélomanes. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. On s'en va sur le bon bord, comme dirait l'autre, enfin le mois de mai. Et ça concorde très bien avec notre spécial de ce soir qui va faire suite au grand Summer of Love 1967 de la semaine passée, qui était précédé d'un petit hommage impromptu à Prince, bien sûr. Donc, on est dans une série chronologique sur les années 60 qui avait débuté avec le mélomane rétro, l'invasion britannique, l'été de l'amour et je vous le donne en mille. Ce soir, on couvre l'an de grâce 1968 et c'est pour ça que ça concorde tout à fait avec notre arrivée en ce mois de mai tant attendu parce que c'est un mois qui symbolise la révolution en 1968, surtout si on pense aux événements survenus en France. Mais ça, on va en reparler. Tout ça pour dire en fait qu'il va y avoir des artistes qu'on a entendus la semaine passée, d'autres qu'on n'a pas entendus aussi évidemment. On est encore en pleine période Peace and Love, mais vous allez sentir un petit quelque chose de différent, un petit vent de révolution qui caractérise l'année qu'on couvre ce soir. Donc, je pense que ça va être assez intéressant de constater toutes ces petites différences par rapport à la semaine passée. Mais d'abord et avant tout, la révolution de 1968, c'est un autre voyage musical qui commence maintenant au 99.1 CFNJ. We'll be right back. revolution. Well, you know, we all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Alright. Alright. Alright. Institution. Well, you know, you better free your mind instead. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Et 88.9 CFNJ. Yeah. on a pack of cigarettes, and this is where the pies and walked off to look for America. Kathy, I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh. Seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America. Laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said, be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. We smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said, though I knew she was sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. In the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America. All come to look for America. You'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. One is the loneliest number. One is the loneliest number. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest. number divided by two. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et encore une fois, ça vous donne une petite idée des directions qu'on va prendre en ce spécial Revolution 1968 de Méloman. Et déjà, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, lors du fameux Summer of Love, on peut déjà voir que l'esprit de la musique a un peu changé. Pourtant, on est à un an. Et pourtant, on a entendu quelques artistes dans le lot qu'on a entendu la semaine passée, voire la semaine d'avant dans notre British Invasion, surtout si on pense aux Beatles et aux Stones. Bref, parlant de révolution, on vient d'entendre un acteur indissociable de la révolution musicale que le Québec va connaître. Pour une fois, on est au diapason avec le reste du monde libre. Robert Charlebois, qui revient tout juste d'un voyage en Californie où il a côtoyé les Frank Zappa et les Janis Joplin de ce monde. Pas mal la scène de San Francisco qu'on a explorée la semaine passée, finalement, et qui nous ramène toutes ses influences musicales sur son fameux disque révolutionnaire avec Louise Forestier, duquel va être extrait Lindbergh, bien sûr, qui va connaître un succès quasi mondial, mais aussi la magnifique California qu'on vient tout juste d'entendre. Donc, le Québec de 68 va connaître à la fois le nouveau Charlebois de Lindbergh et les belles-sœurs de Michel Tremblay. Et c'est ce qui va déclencher une espèce de réaction en chaîne artistique et politique qui vont marquer le Québec jusqu'à aujourd'hui. Du moins, ça serait important de s'en rappeler. Et sinon, côté américain, on a entendu Harry Nilsson, grand mélodiste et futur partenaire de beuverie de John Lennon, avec One, une de ses plus connues qui va être reprise par plusieurs, dont Three Dog Night. Un gars que je vous encourage vraiment beaucoup à découvrir. D'ailleurs, tiens, je vais vous mettre un beau petit lien sur Facebook, groupe Mélomane à l'instant. Et tout ça qui était précédé d'America, un petit bijou signé Simon & Garfunkel et de certainement une des chansons les plus politisées des Stones, j'ai nommé Street Fighting Man, qui nous parle de revendiquer ses droits et de sortir dans la rue en cas d'injustice sociale et donc de révolution en plein dans le thème, mais évidemment pas autant que l'incontournable Revolution des Beatles juste avant, version 45 tours. Parce que sur l'album blanc, on parle plus de Revolution No. 1 ou No. 9. Et on a amorcé ça avec un petit voyage en tapis magique avec Steppenwolf et son Magic Carpet Ride. Et puis là, on s'en va du côté plus pop des choses avec John Fred and his Playboy Band au 99.1 CFNJ. Yes. country, far from all the subtle noise of the city. There's a village green. Oh, it's been a long time since I last set eyes on the church with the steeple down by the village green. Was there I met a girl called Daisy and kissed her by the old oak tree. My Daisy, I saw fame, and so I left the village green. I miss the village green and all the simple people. I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. And now all the houses are rare antiquities. American tourists flock to see the village green. They snap their photographs and say, "Gore darn it, isn't it a pretty scene?" La, la, la, la, la, la. And Daisy's married Tom, the grocer boy, and now he owns a grocery. I miss the village green and all the simple people. I miss the village green, the church, the clock, the steeple. I miss the morning dew, fresh air and Sunday school. I'll see Daisy and we'll simply laugh and talk about the village green. We will laugh and talk about the village green. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Takes me to you. I'm so nervous, I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I don't wanna cause no fuss. By your magic bus. I want it. Broken sand, sixpence every day, just to drive to my baby. Broken sand, sixpence each day, 'cause I drive my baby every way. Magic bus. to get on with me neighbours. But they make it very clear they've got no room for ravers. Tu aurais pu rendre un homme heureux. n'es pas perdu. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais, et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu as toujours les yeux d'autrefois. Et toujours en plein spécial Revolution 1968 de Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et ce, partout dans la Naudière et bien au-delà si vous écoutez depuis CFNJ.net. Et ce cher Hugues Auffray avec Céline, parce que des Français, on va en entendre ce soir pour souligner entre autres les événements de mai 68, dont on va reparler un petit peu plus tard. Et sinon, ma foi, on a entendu plusieurs groupes contraints depuis le spécial British Invasion il y a deux semaines, parce que les meilleurs groupes de l'invasion britannique avaient encore des choses pertinentes à dire en 68. Les Small Faces avec Lazy Afternoon, qui nous viennent originellement du mouvement Mods, tout comme The Who, bien sûr, qu'on a entendu avec leur Magic Bus, une chanson qui utilise le fameux Bo Diddley Beat, le beat, le rythme de Bo Diddley. Un rythme que Bo Diddley, quelle surprise, a popularisé fin 50, début 60, mais que les musiciens cubains appelleraient la clave dos tres, parce que c'est de là que tout ça nous vient originellement. On a aussi entendu les Kinks, qui vont continuer de nous pondre la merveilleuse musique en 68 avec Village Green, tiré d'un excellent album que je vous conseille, soit The Kinks or the Village Green Preservation Society, tout comme je vous conseille avec autant d'empressement le magistral Odyssey and Oracle des Zombies, duquel on a entendu Care of Cell 44, qui ouvre l'album, un album qui est facilement leur chef-d'œuvre et qui a aussi été, en fait, à peu près leur Sgt. Peppers, on pourrait dire, et qui a aussi été leur tout dernier avant qu'ils se reforment tout dernièrement. En fait, ils étaient plus ensemble quand l'album s'est mis à marcher en 68. On va en réentendre un extrait tantôt. Et sinon, on était dans le pop pur et dur avec Money Money de Tommy James and the Shondells, chanson qui va être reprise par nul autre que Billy Idol en 81. Et on a aussi écouté ensemble Judy in Disguise with Glasses de John Fred and his Playboy Band. Un petit peu plus obscur, j'en conviens, mais ô combien enjoué. Et vous êtes pas au bout de vos peines parce qu'on y retourne avec un groupe qu'on peut pas écouter sans avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles. On les écoutait la semaine passée, les Turtles au 99.1 CFNJ. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me, there's no one like you, Eleanor, really. Go out to a movie. What do you say now, Eleanor? Can we? They'll turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love you, Eleanor. Love me. Yeah. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Just one man. You'll have bad times, and you'll have good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. And if you love him, I'll be proud of him. 'Cause after all, he's just a man. Something warm to come to when nights are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand. partout dans la Naudière. CFNJ 99 à 89 météo. Centre et sud de la Naudière pour les prochaines heures, c'est nuageux, 40% de probabilité d'averse, un minimum de 5. Nuageux jeudi, maximum 15 et ensoleillé pour vendredi avec un maximum confortable de 19 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux pour les prochaines heures. Un peu de brouillard cette nuit, minimum de 2 degrés. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, peut-être quelques averses en après-midi, maximum de 14. Et ensoleillé pour vendredi avec un maximum de 20 degrés. CFNJ 99A. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, moi je suis têtu. Et bien souvent, moi je distribue des corrections, faut faire attention. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis dans tes bras, je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Comme un garçon, moi j'ai ma moto. Comme un garçon, je fais du rodéo. C'est la terreur à 200 à l'heure. Comme un garçon, je n'ai peur de rien. Comme un garçon, moi j'ai des copains. Et dans la bande, c'est moi qui commande. Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille. Mais quand je suis avec toi, je ne suis petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon, toi tu n'es pas très attentionné, t'es décontracté. Mais avec toi, je ne suis plus jamais comme un garçon. Je suis une petite fille. Oh, tu fais ce que tu veux de moi. Je suis une toute petite fille. C'est beaucoup mieux comme ça. Bye. cette mélomane spéciale Revolution 1968 au 99.1 et 88.9 CFNJ, bien sûr, où on vient de planer tous ensemble sur les ailes de l'Albatros. Encore une fois, c'est le Fleetwood Mac de Peter Green des années 60 dont on a souvent parlé à l'émission. Peter Green, guitariste exceptionnel et fondateur de Fleetwood Mac, groupe qui a eu plusieurs incarnations, comme on a souvent parlé, et c'est la première, fondée en 67, qu'on a entendu ici. Fort différent de la formation plus connue du grand public, qui a connu un gros succès commercial à peu près 10 ans plus tard. Mais ça vaut vraiment la peine de découvrir le Fleetwood Mac des fins 60, début 70. Un groupe plein de surprises. Par exemple, c'est eux qui ont composé Black Magic Woman avant que Santana la popularise quelques années plus tard. C'était aussi un des groupes préférés de John Lennon. D'ailleurs, c'est justement Albatross qu'on vient d'entendre qui a inspiré Sun King sur Abbey Road des Beatles. Bref, un groupe à découvrir qui était précédé d'un autre duquel on a suivi l'évolution depuis 2 semaines dans le British Invasion et en 67 la semaine passée, les Moody Blues avec Ride My Seesaw tiré de leur album In Search of the Lost Chord. On a aussi entendu la Française d'origine bulgare Sylvie Vartan avec Comme un garçon, chanson sortie en 67 mais qui a été un gros hit plus tôt en 68 et qui va être reprise ici par Chantal Renaud, épouse du premier ministre Bernard Landry. Et parlant de français, on va en entendre plusieurs autres au fil de la soirée parce que 1968 est une année qui a particulièrement marqué la France. On en reparle tantôt. Et sinon, des gros hits, toujours des gros hits. Tammy Wynette avec Stand By Your Man, une des chansons les plus reprises de l'histoire du country, qui était précédée d'un autre classique, Inagara da Vida, du groupe Iron Butterfly. Version single, s'il vous plaît, parce que sinon, on l'écoutera encore, la version de l'album qui durait 17 minutes, mais un gros classique de 68. Un one-hit wonder aussi, on pourrait dire, une merveille à un hit. Et le tout amorcé dans la joie par Eleanor des Turtles. Et on parlait de français, on y va avec une pièce qui a été reprise récemment, mais nous, on l'écoute en format original, bien sûr, avec une figure marquante des années 60, Madame Françoise Hardy, au 99.1 CFNJ. Sous aucun prétexte, silex, vite de bon feu. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'Alex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? We'll be right back. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de toi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends, si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire, je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. C'est un autre que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. I started a joke which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Was on me. tree looked down and sang the song to me of how it began. Loving look and told me not to worry about my life. Tree in my own backyard stands all alone, bears fruit for me and it tastes so good. Thank you. mama cats. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Find you sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Toujours à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on poursuit notre voyage dans les années 60. Et ce soir, on est en 1968 avec les Mamas and the Papas, entre autres. Mama Cass, qui nous chantait un vieux standard, Dream a Little Dream of Me, qui datait déjà de 1931 à ce moment-là. On a aussi entendu une autre des Zombies, Time of the Season, facilement leur plus gros succès, qui était précédé d'une petite obscurité, des Beach Boys de 68, chanté par Dennis Wilson. Little Bird, qui nous vient d'un excellent album qui est passé sous le radar, Friends, comme à peu près tout ce que les Beach Boys vont faire après le fameux Smile, jamais sorti, dont on a parlé la semaine passée. Et juste avant, encore une fois, un groupe dont on a parlé la semaine passée, les Bee Gees, qu'on associe plus souvent au disco, mais qui sont complètement un autre groupe dans les années 60, aussi bon, voire meilleur. Et on en a eu la preuve avec l'intemporel I Started a Joke. Tout ça après un magnifique doublé On ne peut plus français qui avait amorcé notre bloc, parce qu'on est en mai, et en mai 68, la France est en plein tumulte. Il y a des grèves partout, des manifestations dans les rues. Tout d'un coup, on est révolté contre le capitalisme, Charles de Gaulle et au sens plus large aussi. Et ça va finir par devenir le plus grand mouvement social du 20e siècle qui va aussi inspirer la jeunesse dans d'autres pays. Le plus grand mouvement social du 20e siècle, en France bien sûr, mais ça a tellement inspiré qu'on pourrait dire presque du moins des années 60. Mais tout ça est dans l'air un peu partout en 68 de toute façon. Bref, on résume de bien grandes idées, de bien grands événements, mais tout ça pour dire que chaque fois que vous entendez un Français ce soir, on a mai 68 en tête. Et nous, eh bien, on retourne sur la route avec Canned Heat au 99.1 CFNJ. But I'm out on the road again. I'm on the road again. But I'm so tired of crying. But I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. I didn't have no pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young. When I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from your mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man. Tells them it's all right. He knows of their fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. the smile. The order is given, they move down the line. But he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young man move out into the battle zone, he feels good, with God you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the man will find courage in the words that he said. Avec vous, partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFMJ. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. a favor, son. Won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny. Take a load off Bree. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. Followed me and he cut me in the fall. He said, I will fix your rat if you take Jack my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Put the load right on me. Put the load right on me. Get your cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time. To get back to Miss Fanny, you know she's the only one who sent me here with the regards for everyone. Take a load off Fanny. Take a load free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. No money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ear, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my got my nose, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Il flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, beau joli culotte. Il avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, beau joli culotte. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit, il travaillait aux jolies culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, aux jolies culottes. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, aux jolies culottes. Les Anglais avaient les bonnes places et qu'il lui riait en pleine face, aux jolies culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beaux jolies culottes. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, beaux jolies culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, beaux jolies culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, beaux jolies culottes. Tout le pays s'est réveillé, et puis la police l'a poigné, aux jolies culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, aux jolies culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, aux jolies culottes. Nos politiciens à gogo, font les braves, font les pharaons, aux jolies culottes. Il réclame enfin des droits, et puis les autres refusent pas, aux jolies culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qu'elle a voulu recommencer, aux jolies culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, aux jolies culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, aux jolies culottes. Bozo, les culottes. Vous êtes toujours en 1968 à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on a parlé tantôt brièvement des événements de mai 68 en France, à côté desquels on peut pas passer si on consacre une émission à cette année-là, mais on peut pas passer non plus à côté de la révolution qui se tramait ici au Québec, ici même, au même moment. Et on a entendu une pièce qui symbolise parfaitement cette époque-là et qui avait même plus ou moins été dédiée au FLQ naissant, soit Bozo les culottes de Raymond Lévesque, qui nous a aussi donné « Quand les hommes vivront d'amour », certainement une des plus belles chansons québécoises de tous les temps. Et c'était précédé d'une autre artiste qui avait des gros penchants pour la Révolution, Nina Simone avec « Ain't Got No, I Got Life », un medley de deux chansons qui nous venaient originalement de la célèbre comédie musicale « Hair » et qui suivait « The Band », le groupe qui accompagnait originalement Dylan, qui décide de faire un album et de voler de ses propres ailes. Et ça va nous donner « Music from the Big Pink », un album qui va inspirer une foule de groupes à revenir aux racines du folk, du country et de laisser tomber un peu, disons, les extravagances de 67. Parce que oui, ça va très vite dans les années 60, c'était déjà dépassé à ce moment-là. Donc on a entendu The Wait, la chanson The Wait, le gros succès. Et en passant, Music from the Big Pink, qui fait référence à une grosse maison rose où le groupe de Ben va enregistrer l'album en campagne. Et c'est aussi là qu'ils vont enregistrer les fameux Basement Tapes pour les fans de Bob Dylan. Et bref, c'est justement un ami Dylan qu'on a entendu juste avant. Il s'est présenté lui-même, Johnny Cash, avec un extrait de son fameux show en prison de 68 au Folsom Prison. Et c'est justement Folsom Prison Blues qu'on a entendu, précédé d'une longue suite classique en trois parties, Derek Burden and the Animals, Sky Pilot, qui nous parle d'un aumônier militaire qui bénissait les troupes et qui suivait à merveille Can't Heat et On the Road Again. Et nous, on y retourne sur la route avec Marvin Gaye, juste parce que c'est bon au 99.1 CFNJ. Hands to make me bleed. Quand on le passe à la fenêtre avec des si et des peut-être et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti pour travailler, la femme est seule à s'ennuyer. Ah, que le jour tarde à venir, quand on se lève avec l'étoile, et on a beau lever la toile, la nuit s'étire, a pu finir. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule, seule, seule. L'homme est parti, c'est au chantier, la femme est seule à s'ennuyer. Ah, que de jour et donc pas long, que la noirceur vient donc d'avance. Quand l'homme est loin, c'est pas la danse, il faut rester à la maison. L'homme a bûché et charroyait la femme seule, seule, seule. L'homme a bûché et charroyait la femme seule à s'ennuyer. C'est du dedans, c'est du dehors. La femme attend, l'homme voyage. Il y a beau temps, il y a bel âge. Depuis la vie jusqu'à la mort, l'homme est porté à voyager. La femme est seule, seule, seule. L'homme est porté à voyager. La femme reste à s'ennuyer. Excuse les fautes et le papier, mais j'étais pas maîtresse d'école. J'tiens la maison, j'tiens ma parole. Petit Jean est arrivé premier. C'est que t'es parti pour travailler. J'tiens la maison, j'fais pas la folle. C'est que t'es parti pour travailler. Mon désennui, c'est de m'ennuyer. Ils ont parlé d'un gros moulin au lac d'en haut, ça ferait de la gagne. C'est peut-être des plages sur les montagnes, mais je t'aurais dit soir au matin, t'aurais fini de t'éloigner. C'est peut-être des plages sur les montagnes, t'aurais fini de t'éloigner. J'aurais fini de m'ennuyer. Avant de donner ma lettre à Jean, j'aimerais te dire en post-scriptum que la maison, quand il n'y a pas d'homme, c'est comme un poêle éteint tout le temps. Je t'embrasse encore avant de signer ta dalle d'amour, ta rose, ta jade. Je t'embrasse encore avant de signer ta rose, jade. Sud de la Naudière pour les prochaines heures, c'est nuageux, 40% de probabilité d'averse, un minimum de 5. Nuageux jeudi, maximum 15 et ensoleillé pour vendredi avec un maximum confortable de 19 degrés. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, nuageux pour les prochaines heures. Un peu de brouillard cette nuit, minimum de 2 degrés. Jeudi, alternance de soleil et de nuages, peut-être quelques averses en après-midi, maximum de 14. Et ensoleillé pour vendredi avec un maximum de 20 degrés. CFNG. History is a vague. couldn't get my much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu? J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain. Cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Vous devez être très ardent. souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant encore tout blanc. Te souviens-tu? Mélomane spécial 68 au 99.1 CFNJ et justement toujours un peu mai 68 à l'esprit quand on entend des merveilles comme cet enfant que je t'avais donné, certainement des plus belles de la soirée, du moins à mon avis à moi, par deux figures marquantes de la scène française des années 60, soit Jacques Higelin, père d'Arthur H et Brigitte Fontaine, et c'était précédé d'un doublé de Doors, José Feliciano, qui nous a aussi donné le fameux Feliz Navidad qu'on entend toujours aux fêtes, un magnifique guitariste aveugle en plus avec sa célèbre version de Light My Fire, composition de Robbie Krieger, guitariste des Doors, qui était à la base un guitariste de flamenco. Et c'est ce qu'on a pu entendre, on a pu constater ça dans Spanish Caravan juste avant, une pièce en partie inspirée d'un extrait de la suite espagnole d'Isaac Albéniz, la fameuse Asturias, justement à cheval entre le classique et le flamenco, qui est une musique traditionnelle espagnole. Et sinon, Donovan, qu'on a entendu dans notre spécial British Invasion, et aussi la semaine passée avec un de ses plus gros succès de 68, Hurdy Gurdy Man, très inspiré de Sean Phillips, qui l'a beaucoup aidé à ses albums de ces années-là. Il y en aurait même pour dire qu'il y a un petit peu trop emprunté, si c'est pas volé un petit peu d'idées à Sean Phillips. Et c'était précédé de façon tout à fait improbable par Gilles Vigneault, toujours en 68, avec Ah que l'hiver, qui suivait un groupe qu'on a aussi entendu la semaine passée, The Move, qui vont ni plus ni moins devenir Electric Light Orchestra dans les années 70 avec Jeff Lynne et leur chanson Blackberry Way, un de leurs plus gros succès en fait, et le tout amorcé par I Heard It Through the Grapevine, gros succès Motown de Marvin Gaye. Et là, parce qu'en 68, on commençait à faire du rock assez musclé, merci, et d'ailleurs on écoute à l'instant ce que certains considèrent comme la toute première chanson heavy metal. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas averti. Les Beatles ont 99 ans, CFNJ. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. You ain't no top of the slide, and they stop and I turn and I go for a ride, and I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to make you? au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Et vous êtes encore et toujours à Mélomanes, Mélomanes 1968, ce soir au 99.1 et 88.9 CFNJ, en compagnie de moi-même, Mathieu Lajoie, jusqu'à minuit, qui approche à grands pas. Et on vient d'entendre une chanson d'origine russe, produite par Paul McCartney et enregistrée au fameux studio d'Apple Records par Mary Hopkins. La toute première à populariser « Those Were the Days » en anglais, une chanson qui va connaître le succès de par, un succès de par le monde dans toutes sortes de langues et qui, bien sûr, va devenir en français « Le temps des fleurs » popularisé par Dalida et Vicky Lendros, entre autres. Et c'était précédé d'un magnifique qui nous a donné l'impression que le temps s'est arrêté quelques instants. On parle bien sûr de « Once Upon a Time in the West », le thème de Claudia Cardinale dans « Il était une fois dans l'Ouest », avec la magnifique voix d'Eda Del Orso, une composition du grand Ennio Morricone qui suivait le « Big Brother and the Holding Company », groupe de Janis Joplin, qu'on a entendu la semaine dernière, avec leur déconstruction total du Summertime de Gershwin. Et on est resté dans le gros rock avec le classique All Along the Watchtower du Jimi Hendrix Experience qui nous provient du fameux Electric Ladyland, une reprise de Bob Dylan qui lui-même trouvait la version d'Hendrix meilleure que la sienne. Il n'était pas gêné de le dire, disons qu'il y avait assez de chansons en arrière de la cravate pour en laisser aller une. Et tout ça qui a débuté avec une pièce qui a une grande notoriété aussi positive, autant positive que négative, Helter Skelter, composition de Paul McCartney sur le célèbre album blanc des Beatles. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter quand même que une des premières chansons qu'on peut appeler heavy metal est composée par Paul McCartney, tout gentil, tout beau, quand on est habitué habituellement d'entendre John Lennon avec ses écarts de conduite. Mais non, Paul McCartney nous réservait la surprise de Helter Skelter. Et sinon, on poursuit avec ce qui devrait s'avérer le dernier bloc de la soirée, mais tout un bloc. On part ça avec deux projets d'un illuminé des studios de Californie, soit Kurt Boecher, au sein de deux de ses formations, soit Sagittarius, mais tout d'abord, certainement, le plus gros son de bass drum des années 60, un groupe qui se nomme The Millennium au 99.1 CFNJ. Give a fuck to anything in the world but you. I'm free.

Et c'est comme ça que se termine notre voyage dans le temps à Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ, où on a exploré en musique l'année 1968. On aurait pu continuer encore. On vient tout juste d'entendre Pink Floyd avec Remember a Day, composition de Richard Wright, pianiste de la formation décédé assez récemment, en 2008, qui suivait un artiste flamboyant, c'est le moins qu'on peut se dire, de l'underground, qui va inspirer à peu près tous les excentriques du temps, Alice Cooper à Bowie, en passant par Peter Gabriel. J'ai nommé Arthur Brown au sein du groupe The Crazy World of Arthur Brown avec Fire, une chanson où M. Brown portait un casque en feu en spectacle et qui est leur plus gros hit, qui était précédé de façon tout à fait improbable, mais toujours en 68, de Jean-Pierre Ferland avec Je reviens chez nous, certainement un de ses plus gros succès en carrière, qui a marché autant en France qu'au Québec, faut le dire, et tout ça qui avait commencé avec des obscurités de collectionneurs, quand même, directement de Californie. Sagittarius avec My World Fell Down, reprise de Ivy League de 66, et le groupe The Millennium avec Prelude, suivi de To Claudia on Thursday, qui ouvrait leur magnifique album Begin. Et c'est ce qui conclut notre émission de ce soir. Encore une fois, j'espère que vous avez découvert des trucs et que surtout, vous avez passé un bon moment avec la belle musique diversifiée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, soit mercredi dès 21h au 99.1. Pour la conclusion de notre série sur les années 60, vous l'aurez deviné, on va explorer la musique de 1969. Donc, en vous souhaitant une bonne nuit et une excellente semaine d'ici là, je vous laisse avec The Foundations au 99.1 CFNJ. Why do I need you so?